À la foire de Simbirsk par la princesse Vera Ourousov. Mon mari me proposa un jour de l'accompagner à la foire de Simbirsk où il allait acheter des chevaux. Le soir même, nous courions entre deux haies de blé mûr vers le Volga, où nous devions prendre un bateau à vapeur. La calèche se berçait doucement, emportée par une troïka bien assortie. Le cheval du milieu, Korenik, la tête haute, l'œil en feu, dévorait l'espace, entraînant ses deux compagnons de volée. Bien dressés à cet attelage, ceux-ci galopaient aux côtés du Korenik, leur tête recourbée vers l'épaule. En traversant Sengeli, notre petite ville de district, le cocher lança l'attelage à fond de train. Sachant par expérience qu'il était inutile de gronder, nous laissâmes un libre cours à cette vanité professionnelle, et après un galop furieux, le cocher arrêta crânement les chevaux devant la station flottante de Sengeli, où nous devions descendre de voiture. Les stations sont placées sur des radeaux qui changent de place fréquemment, selon la profondeur de l'eau. Il y a des salons avec divans pour les voyageurs, un logement pour le surveillant et un grand pont couvert pour les marchandises. Ordinairement, les voyageurs préfèrent le pont pour attendre à l'air frais, au lieu d'aller étouffer dans un des salons destinés aux premières. Notre patience n'eut pas à s'exercer, car le matelot en chef nous annonça, dès notre arrivée, que le maréchal Souvorov était déjà en vue. Ce magnifique échantillon des bateaux à vapeur du Volga s'avançait gracieusement vers la station. Une bousculade se fit pendant que l'on amarrait, ce qui nous obligea à nous retirer dans l'un des salons d'attente, car le public, composé en partie de paysans, se précipitait, au risque de tomber à l'eau, sur le pont volant que les matelots leur tendaient du bateau à vapeur. Quand tout fut calmé, le capitaine auquel mon mari avait fait passer son nom vint nous prendre pour nous conduire à une cabine. Puis nos bagages étant apportés, il donna le signal du départ. Le Souvorov continua à remonter le courant, laissant Sengeli derrière lui. Nous nous étions fait servir à souper sur le balcon qui entoure les immenses salons du steamer, et nous jouissions pleinement de cette belle nuit tombant d'un ciel tout constellé d'étoiles. Ce qui est fort rare sur le Volga, il n'y avait pas un souffle de vent. Le fleuve calme, pareil à un grand serpent, se déroulait au loin, illuminé par les feux réglementaires des barques et des canotiers qui sont forcés de stationner la nuit. La voix monotone d'un matelot comptait les pieds de profondeur dans l'eau pour éviter les bancs de sable. Quelquefois, un bateau à vapeur nous croisait, tout illuminé par son éclairage électrique. Des coups de sifflet étaient échangés que les échos répétaient à l'infini. Nous quittâmes à regret les claires ténèbres de cette admirable nuit d'été. De grand matin, on vint me réveiller en me disant que Simbirsk était en vue. Je fis ma toilette dans la confortable cabine et je montai sur le pont. La ville s'offre joliment au regard des voyageurs, posés sur une grande montagne couverte de jardins. L'heure étant matinale, il nous fallut attendre l'arrivée des premiers proletkis, une sorte de cabriolet à un cheval avec un siège pour le cocher. Nous restâmes sur le pont à humer l'air humide du matin, admirant le fleuve qui semblait se dépouiller lentement du brouillard comme d'un vêtement qui le gênait. Bientôt nous prîmes place dans un proletkis, équipage vraiment peu commode pour deux personnes avec des sacs de voyage. La montée de la ville étant très raide, notre cheval avançait péniblement, et notre cocher, tout en l'excitant, donnait à mon mari, qui désirait acheter quelques dizaines de chevaux, des nouvelles de la foire. Simbirsk, nouvellement reconstruit à neuf, après un grand incendie, est fort agréable à voir. Les rues sont larges, assez propres. Les chaussées y sont bien entretenues. Les maisons, pour la plupart, sont construites en briques et à plusieurs étages, ce qui donne à Simbirsk un aspect européen. Les bâtiments de la couronne ont grand air, ainsi que la cathédrale et les églises aux coupoles dorées. Deux jardins publics font l'ornement de la ville. De l'un d'eux, perché au haut de la montagne, on jouit d'une vue splendide sur le Volga. Après avoir traversé la grande rue, qui est coupée dans son milieu par un boulevard d'acacia côtoyé d'assez jolis magasins, notre voiture tourna dans une autre rue où se trouve le bâtiment du corps des cadets, c'est-à-dire l'école militaire. Cette construction très massive, en briques rouges, était ce jour-là silencieuse à cause des vacances et paraissait triste de l'abandon du petit monde qui d'ordinaire s'agite dans ses salles et dans ses cours. Tout près se trouve le plus bel hôtel de la ville où nous descendîmes. Un domestique nous conduisit, avec une certaine pompe, dans un appartement assez vaste, ayant trois fenêtres et un balcon. Le tout, hermétiquement fermé, avait une insupportable odeur de moisi. J'ouvris les portes du balcon pour donner accès à l'air embaumé du matin. La chambre, malgré ses belles proportions, manquait de confort. Un canapé avec une table recouverte d'une nappe sale, des meubles malpropres. Deux lits derrière une alcôve d'une propreté douteuse. Sur une commode serrure cassée, une carafe à demi remplie d'une eau jaunâtre avec deux verres en cristal, le tout recouvert de poussière. Enfin, un miroir sur le mur, fait, je crois, pour déshabituer les femmes de se mirer, car on s'y voit un visage terriblement laid. Noma l'a porté, mon mari, craignant tout retard pour l'achat des chevaux dont il avait grand besoin, dépêcha notre déjeuner et nous partîmes. À mesure que nous avancions, le mouvement s'accentuait dans les rues avoisinant la grande place, où trois fois par an ont lieu les foires de Simbirsk. La principale de ces foires se tient au printemps, pendant toute la première semaine du grand carême avant Pâques, dont elle prend le nom Ornaïa. C'est une étrange coutume, car au lieu du jeûne et du recueillement prescrit par l'Église, on passe à Simbirsk 7 jours à s'amuser. On imagine si les prières sont négligées. Les propriétaires arrivés avec leurs familles de quelques terres isolées sont heureux d'organiser des fêtes où l'on se rencontre gaiement. Les églises restent désertes. Au printemps, la vente de chevaux de race se fait dans les écuries de maîtres. Toute la journée, on voit devant les maisons, dans les places réservées, des trotteurs essayés. On entend les longs débats sur le prix. Enfin, le choix à peu près fait, l'acheteur s'assied avec l'entraîneur dans un petit traîneau et l'on essaye le cheval dans les grandes rues, ce qui anime beaucoup la ville. Le mouvement sur la place de la foire est encore plus grand, car plus de 10 000 chevaux s'y trouvent réunis. Les uns, placés en double rangée, laissent un passage libre pour les passants. Ce sont des demi-sangs élevés par des paysans riches ou bien des bêtes sans race que les propriétaires viennent acheter pour le travail. Les autres, chevaux de steppe à peu près sauvages qui ne connaissent pas encore le mort, sont amenés d'Orenbourg et de plus loin par des Kalmouks et des Kirghizes. Ces chevaux passent la nuit dans de grandes cours où on leur donne du foin. Le matin, l'un des meneurs, choisissant le cheval le plus docile, le monte et prend les devants du Kosiak, le troupeau de chevaux, qui s'élance à la suite de ce camarade, tandis que plusieurs hommes, également montés, ferment la marche et empêchent toute retraite. C'est ainsi que, de grand matin, pendant que les rues sont encore désertes, on amène ces bêtes à demi-ahuries à la foire, dans de grandes places réservées pour elles, avec de hautes palissades en bois qui les empêchent de fuir. Le cheval de steppe, en général, est petit de taille, avec une tête fort grande, sur un cou trop court. En revanche, la nature lui a donné un excellent dos et des pieds à toute épreuve, qui lui permettent de faire 100 verstes d'un seul trait sans nourriture. Élevé à l'état presque sauvage, c'est une bête qui a toutes les qualités pour faire de grandes courses dans des contrées où les routes et la civilisation manquent totalement. Aussi voit-on les Kosiaki tout le jour entourés d'une grande foule qui suit avec intérêt les phases de la vente. L'acheteur ayant indiqué son choix, l'un des Kirghiz ou Kalmouk monte le cheval le plus rapide et commence à poursuivre la bête désignée pour la saisir au cou avec une espèce de lasso qu'il tient à la main. Quelquefois, on se donne beaucoup de peine pour cette capture, car les autres chevaux effrayés se jettent de tous côtés dans l'enceinte. Quand l'homme réussit à atteindre sa victime avec le nœud coulant de la corde, il la tire de toutes ses forces. Le cheval se débat au commencement, mais étouffé par le nœud qui l'enserre de plus en plus malgré ses efforts, il tombe finalement à terre. Alors on desserre un moment le nœud pour le laisser souffler, et on lui met à la hâte un mort. L'un des meneurs, sauvage comme le cheval, s'élance sur son dos, lui fait faire sur l'heure une grande course hors de la ville, assisté d'un compagnon qui galope à ses côtés, tenant une corde passée au mort pour empêcher de trop grands écarts. La bête affolée, reprise de colère, en sentant pour la première fois de sa vie un poids sur le dos, prend un galop furieux, s'arrête, essaye de se coucher, se cabre, fait d'inutiles efforts pour se libérer. Mais l'écuyer intrépide ne se laisse jamais démonter, et l'animal harassé, fatigué, tout en sueur, se livre enfin au pouvoir de l'homme qui le ramène à peu près dompté vers son nouveau maître. Je dis à peu près, parce qu'ordinairement, on a beaucoup de difficultés pour rendre les chevaux des Kosiaki entièrement dociles. Les premiers jours, surtout, ils se laissent approcher avec peine et mordent les palefreniers chargés de les nourrir. L'un des grands moyens est de les prendre par la soif et la faim, mais quelquefois cela même n'aboutissant pas, on est obligé de se défaire d'un cheval trop dangereux pour l'entourage. En dehors du trafic des chevaux, on apporte beaucoup de marchandises à la foire de Simbirsk, ce qui a obligé la ville de construire sur la place principale un édifice en bois, sorte de caravansérail. Les boutiques sont alignées sur deux rangs, n'ont ni poêle ni fenêtres, et s'éclairent par de larges corridors qui n'ont pour plafond que le ciel. Ce jour suffit à l'intérieur des boutiques, aux chalands et aux vendeurs jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi, car la foire commence de grand matin mais finit assez tôt. Dans ces magasins de pauvre apparence se trouvent empilés les produits du Caucase, de l'Oural, de la Sibérie, de l'Asie et de la Chine, qui nous envoient les fourrures, les étoffes, les pierres précieuses, les tapis, des cargaisons de thé, de caviar, de poissons gelés, etc. De plus, les produits du pays, des fabriques locales, se vendent pendant la semaine de la foire en grande quantité. C'est encore ici que l'on vient de différentes villes, quelquefois très éloignées, recevoir et faire des commandes, conclure des contrats de tout genre pour toutes sortes d'entreprises et d'affaires. Sous ce dernier rapport, la Zbornaïa a gardé jusqu'à présent sa vraie signification. Quant à sa valeur commerciale, le chemin de fer la lui a ôtée peu à peu, comme à beaucoup d'autres foires qui cesseront bientôt d'exister. Les deux autres foires de Simbirsk sont moins importantes. Elles ont lieu au mois de juillet et d'août et existent pour des besoins locaux. Alors le caravansérail est fermé. On ne voit que des chevaux, du bétail, différents produits d'industrie en bois pour les travaux et les ménages des paysans. De l'hôtel, nous nous rendîmes à la foire par cette belle journée de juillet. Les rues étaient remplies de monde, car beaucoup de gens étaient venus ce jour-là en ville pour rencontrer une image très vénérée de la Sainte Vierge, qui tous les ans fait une tournée dans le gouvernement de Simbirsk et s'arrête dans les villes et les villages. Cette image appartient au couvent de Jadovo. Elle a un équipage à elle, mais jamais le peuple ne la laisse mettre en voiture. On la porte de bras en bras tout le long du chemin. La nuit, chacun est heureux de recevoir cette relique vénérée. Chez le paysan, le marchand, le noble, la meilleure chambre lui est cédée avec bonheur. On ouvre les portes de la maison où elle se trouve pour laisser libre accès à ceux qui veulent s'agenouiller et prier devant l'image. On fête de son mieux les prêtres et les moines qui l'escortent. Les habitants d'un village ou d'une ville la portent sur leurs bras entourés d'une foule compacte chantant des prières jusqu'à la fin de leur territoire. Ici, on dit une prière et on la passe à ceux qui l'attendent depuis des heures avec impatience pour la porter avec la même onction chez eux. C'est ainsi que, pendant des mois, cette image fait des centaines de verstes accompagnées de chants religieux. Partie au printemps du couvent, elle y revient très tard en automne, entourée d'une foule que n'arrête point le mauvais temps et le froid. À Simbirsk, on va à sa rencontre avec un cérémonial qui a été prescrit officiellement. Aux portes de la ville, le gouverneur, en grand uniforme, attend son arrivée, le jour où elle est annoncée, avec tous les principaux dignitaires de la cité. Le chef de division avec ses soldats, musique en tête, reçoit l'image pour l'accompagner jusqu'à la cathédrale où elle reste pendant quelques jours. Tous les habitants des environs viennent chanter des Tédéum. L'animation est très grande sur la place de la cathédrale car le peuple se presse du matin au soir autour de l'église où la foule est trop compacte pour entrer facilement. Quand le temps désigné pour le départ de la Sainte Vierge arrive, on la reconduit avec la même pompe jusqu'aux portes de la ville et on la remet à ceux qui doivent la porter plus loin. Nous avancions assez lentement. Il était près de midi quand nous nous trouvâmes sur la place inondée de soleil, emplie d'une foule bigarrée qui s'agitait en tous sens, disputant, gesticulant, vendant et achetant. Les Kosiakis étaient comme toujours très entourés. Les flâneurs se poussaient pour voir les chevaux que les acheteurs se faisaient montrer par les Kirghizes. Ceux-ci se démenaient comme des démons, criaient, se querellaient entre eux. Malgré une chaleur de 35 degrés réaumur, ils gardaient sur la tête leurs grands bonnets à poils et des cafetans ouatés. Ils galopaient volontiers pour faire valoir leurs chevaux, offrant à leur insu un tableau piquant. Leurs figures basanées, quand ils s'élançaient fougueux sur ces coursiers sauvages, disparaissaient comme une vision dans la poussière blanche et fine du sol crayeux. Puis, des cris sauvages annonçaient bientôt leur retour. Sautant du cheval à demi dompté, ils commençaient une discussion acharnée avec l'acheteur. Souvent la foule se mêle au débat du marché qui se fait. Alors des plaisanteries s'échangent, une gaieté générale prend tout ce monde et les rires montent vers le ciel radieux. Autour du bétail et des chevaux de paysans, les rires et les plaisanteries sont encore plus colorés. Des chariots alignés et dételés sont remplis par des paysannes en costume de gala, avec leurs enfants et leurs nourrissons. Comme ces jours de fête, on grignote du pain blanc, des graines de tournesol, des concombres. Les maris sont un peu grisés par quelques verres de vin qu'ils ont pris dans les cabarets voisins. Les langues se délient de plus en plus, et la police doit quelquefois intervenir pour calmer les querelleurs et emmener ceux qui ont trop bu. Mais généralement, tout se passe bien, et une grande bonne humeur règne sur cette immense place, imprégnée d'une odeur de goudron et de chanvre qui se répand au loin. Nous rencontrons de beaux types du propriétaire noble faisant ses achats lui-même. Un chapeau à large bord, un gros manteau de toile, un gros stick à la main, il parcourt le terrain faisant une tournée majestueuse dans les rangs. Son starosta le suit pour lui donner respectueusement ses avis et conseils. Si le propriétaire est riche, on le connaît à la foire et de toutes parts on se presse autour de lui. Les uns l'engagent à regarder le bétail, les autres accourent lui montrer des chevaux, ou bien on l'entraîne pour lui faire voir les roues, les cordes, enfin tout ce qui est nécessaire à son exploitation. Le starosta attentif écarte tous ceux qui s'avancent trop près de son maître. Bientôt, ce dernier est fatigué par tout ce tapage. La paresse prend le dessus sur ses intentions économiques, et le moment, attendu avec une secrète impatience par le starosta, arrive enfin. Le propriétaire finit par fouiller dans son portefeuille, donne des ordres sévères au starosta, et lui remet la somme nécessaire aux achats en lui recommandant une grande prudence. Après cela, content d'avoir été lui-même à la foire, notre pomeschik, notre propriétaire, rentre à son hôtel pour se réconforter avec du bon vin et causer avec ses amis des affaires, des élections prochaines, de la récolte, etc. Il y a, outre le propriétaire riche exploitant lui-même ses terres, un autre type de pomeschik à demi ruiné, ayant peu ou pas du tout d'argent en poche, beaucoup d'espérance en la bonne fortune qu'il a gardée jusqu'à présent d'une ruine complète. Il aime la chasse, dont le charme ardent l'empêche de mourir d'ennui dans son manoir délabré. Il porte un costume collant tenant du hussard et de l'écuyer. Il cherche à emprunter à ses amis. Il essaye d'acquérir quelques chevaux à crédit, qu'on lui refuse presque toujours. Il prend une grande part aux achats des autres, marchande pour eux, se querelle avec les Kirghizes. J'assistais avec plaisir à ces scènes variées pendant que mon mari choisissait les chevaux. Il y mit beaucoup de temps, et quand nous retournâmes à notre hôtel, le soleil était à son déclin et la place se vidait peu à peu. On rencontrait maintenant les chariots remplis d'achats, avec un cheval ou une vache attachée derrière que l'on ramenait à la maison. C'était la femme qui tenait les rênes, tandis que le mari, après une dernière et trop longue visite au cabaret, dormait d'un lourd sommeil. Arrivé à l'hôtel, on nous annonça que nos palefreniers étaient arrivés depuis longtemps de la campagne avec les équipages nécessaires pour emmener les nouveaux chevaux. Ceux-ci nous furent amenés bientôt par les Kirghizes. Je regardais pour la première fois de ma vie la cérémonie inévitable, en Russie, de la conclusion d'un marché pour l'achat d'un cheval. Le vendeur prend la bride dans le pan de son habit et avance le cheval près de l'acheteur. Celui-ci, ou bien son serviteur, prenant aussi son habit par le bord, reçoit sur sa main recouverte la bride, après quoi l'achat est reconnu comme tout à fait conclu. On reconduit la bête chez son nouveau maître et on distribue les pourboires habituels qui sont indispensables en Russie après une vente ou un achat. Nos chevaux avaient un air tout à fait sauvage. Aussi, malgré une grande curiosité de les regarder de plus près, je me tins à une distance respectueuse. Le lendemain, on les emmena par terre dans notre bien. Ils étaient attachés par des colliers derrière les chariots, munis de sacs avec de l'avoine. On eut beaucoup de mal pendant le trajet, surtout avec un joli petit cheval que j'avais nommé Arifa et qui donnait tantôt des ruades terribles, puis s'arrêtait brusquement au risque d'être étranglé et soufflé avec rage. Nos gens allaient au pas, heureux quand ils pouvaient faire avancer ces bêtes vicieuses. Nous les dépassâmes sur le chemin poudreux de la grande route pour nous rendre chez l'un de nos amis dont le bien est situé non loin de Simbirsk. Cette propriété est dépeinte par un de nos auteurs, Yann Tcharov, dans son roman « Obrif, Ravin ». Un parc immense l'entoure du côté de la plaine jusqu'à la maison située au bord d'un énorme ravin dont le jardin descend brusquement vers le Volga. Du balcon au second étage, on voit d'un côté la ville de Simbirsk avec les coupoles dorées des églises, de l'autre, le fleuve dans toute sa largeur au-delà de plusieurs verstes, avec les îles, les prairies qui sont disséminées sur son parcours. des centaines d'embarcations se croisent en tous sens et semblent toutes petites vues de cette hauteur. Mademoiselle Ève, russe par sa mère, anglaise du côté paternel, nous reçut avec sa gaieté habituelle. Des années ont passé depuis cette matinée chaude. Mais l'impression me restera pour toujours de cette vue admirable sur le Volga, du jardin aux arbres centenaires, avec cette belle personne aux cheveux d'or, nous faisant si bien les honneurs de sa maison. Nous devions nous réunir en septembre pour la chasse aux chiens courants, et notre conversation, je l'avoue, n'effleura nul autre sujet que ceux qui tiennent au cœur des chasseurs. On fit 1000 projets, et en attendant, nous nous donnâmes rendez-vous pour aller voir les pêcheurs sur les îles et manger de leur célèbre oua, la soupe aux poissons, dont le goût est exquis. Ainsi s'achève, à la foire de Simbirsk, par la princesse Vera Ourousov.